éduqué dans la soie, le caviar et l'argent. J'ai vu mon premier pauvre à l'âge de 18 ans, servi à ta part des pingouins en gants blancs. J'ai réussi à pas, je suis un gagnant, je suis un menteur, un homme politique, véritable flambeur. Ah, je suis fantastique, je suis un voleur, véritable hypocrite, sans rien faire je profite de l'argent public. Boîte privée, chauffeur quand j'étais étudiant, papa payait pour que je devienne intelligent. De dîner en rallye, j'ai créé ma cagnotte, tout de suite très apprécié par les gens de la haute. Je suis un menteur, un homme politique, véritable flambeur. Ah, je suis fantastique, je suis un voleur, véritable hypocrite, sans rien faire je profite de l'argent public. Sur les bancs de l'ENA, j'ai dû choisir ma voie, entre haut fonctionnaire ou futur chef d'État. Les promesses qu'on m'a faites ont eu raison du choix. Un triplex de fonction à 100 euros par mois. Je suis un menteur, un homme politique, véritable flambeur. Ah, oh, je suis fantastique, je suis un voleur, véritable hypocrite, sans rien faire je prends. À l'attribution des marchés publics, les entreprises depuis me trouvent sympathique. D'enveloppe en avantage, ça tombe en continu. Du cash, mesdames, messieurs, moi je suis un élu, mais je suis un menteur, un homme politique. Oui, je suis un voleur, véritable hypocrite.